idéal, il est idéal. C'est Rose Marie. L'avion, l'avion, l'avion, ça fait lever les yeux. La femme, la femme, la femme, ça fait lever la queue. Vite au cul, s'écrit la baronne en voyant les couilles du baron. Je préfère les voir dans la rue que de les voir traîner dans mon cul. Vite au cul, s'écrit la baronne en voyant les couilles du baron. Je préfère la voir dans mon cul que de les voir traîner dans la rue. Bac et sali. Et ils sont là. Les Dunkerquois. Et ils sont là. Et ils sont là, les Dunkerquois. La. Wish. Bien joué avec mon wish. 5 minutes c'est pas longtemps. Et puis mon wish il sera content. Wish. Bien joué avec mon wish. 5 minutes c'est pas longtemps. Et puis mon wish il sera content. Méconnu l'amour. Elle sait même pas ce que c'est qu'un pichot lourd. Elle n'a jamais connu l'amour. Elle sait même pas ce que c'est qu'un pichot lourd. La, wish. Bien joué avec mon wish. 5 minutes c'est pas longtemps. Et puis mon wish il sera content. Wish. Bien joué avec mon wish. 5 minutes c'est pas longtemps. Et puis mon wish il sera content.